Il y a Batman. 99,9% sont distraits. L'intérêt est le sérieusement, parce que ce n'est pas important. Aveugle. Cage. Nous ne pouvons pas sortir. Madman et mécanique. C'est une pierre. Saturne, l'émotion et phare. Boot. Put. Attention, coco, là. Tu vas te faire manger. Ouf.